suis sur terrain, je vois plus les heures qui passent. Je suis sur le terrain, je vois plus les heures qui passent. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. Je suis sur le terrain, je vois plus les heures qui passent. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. Je sais que tu m'en veux, boy. Fais clic comme si tu connais le bail. Histoire de mal, quand on boule up, on n'y va pas. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. Quand on pull up, on y va fort. Je love le gang jusqu'à la mort. Libéré, ici t'as pas de plan, reste de piste. Je suis en ergo et je vois même plus les heures qui passent. J'ai le cercle et le plan sur moi. Big up à mes ennemis. Histoire de maille, dépose le cul dans le bendo. On veut manger tout cet argent. Dans mon hood, c'est la jungle. Moi je t'avoue que de toi j'en ai marre. Faut que les hypocrites aient un truc à dire, je dis en face. Ça bouge pas, ouais, nous, ils sont néfastes. Briquet à hâte, je prends mes clics et je me casse. Tournant comme les Unitas. Y'a les dieux, faut plus le guitar, people, ouais, ça passe. Même en soin de TNG, la classe. Tu critiques, mais tu donnerais tout pour être à ma place. J'suis sur le terrain, je vois plus les heures qui passent. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. J'suis sur le terrain, je vois plus les heures qui passent. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. Je sais que tu m'en veux, boy, fais clic comme si tu connais le bail. Histoire de maille, quand on pull up, on y va pas. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trous. Haro à moi, postiché en dessous du Porsche. Me revois compter des liasses, mais cette conne, elle me parle de dot. Vas-y, casse-toi, je te fais pas fumer sur la table. Et suppose que les bouts sont bons, c'est quand les keufs, ils veulent filoche. Les chefs te tâchent, change de flow et de méthode. Avant elle mettait des vues, maintenant elle joue à la cochonne. J'suis en showcase dans tout Paname et j'en rigole. J'peux passer du rap français au flow distance sans faire d'effort. J'coule tous ces nègres, tout ça avec manière. Fait que toutes ces bêtises, c'est ceux qui font des manières. Grandi dans haut, tous les jours je galère. Pour tous les jaloux, j'ai combat, je rends l'air. Et tout ce que tu fais, sache que j'ai déjà fait hier. Dérange-toi ma biche, pour moi tout ce que tu sais faire. On va que les cops, connais les bails. Dis-moi nos ailes, dis-moi nos ailes. J'suis sur le terrain, je vois plus les heures qui passent. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. J'suis sur le terrain, je vois plus les heures qui passent. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses. J'sais que tu m'en veux, boy. Fais clic comme si tu connais le bail. Histoire de maille, quand on pull up, on y va pas. On veut manger ce cash, mais les bleus sont à nos trousses.